Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. C'est parti en effet pour Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Comment ça va, Kay? Ça va, tout va bien. En pleine forme? Toujours. Et la semaine a été bonne? Très très bonne. Le week-end on a bougé et puis là on est un petit peu. Le rendez-vous incontournable du dimanche soir. Bah oui, le rendez-vous exprès du dimanche soir avec Kay Isoplatine. C'est Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Le rail se porte bien? Se porte très très bien. Et on va le prouver ce soir. Le rail NB aussi, tout exactement. Va bien. Et puis ton album qui se porte aussi toujours bien? Très très bien. Donc que des bonnes nouvelles. C'est ça. On va attaquer, tu sais, un peu de tête ce qui va se passer durant cette émission? Oui, on va jouer quelques titres de la playlist de Sky et en même temps les nouveautés orientales et les classiques et comme on a l'habitude de faire, tout ça bien ambiancé, mixé. On peut y aller, coup d'envoi? Go! Allez, c'est parti pour Rail Suprême, on attend vos réactions avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ K, DJ K, DJ K, DJ K. Salut la famille, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. You're now tuning with the best. Come on, mommy, on grande forme. Come on. Exemple aux gosses qui grandissent, comme un roman mis en piste. On va remettre le sourire sur les visages tristes. So, lève-toi mon mec, bouge-toi mon mec. Appelle tes frères, tes potes et ta lady. This is how we do. Tous frères, tous cousins, bienvenue chez nous. On vit de rêves et d'espoir, de générations qui bougent la tête haute. Et on ose croire que le meilleur reste à venir. Accroche-toi, j'ai encore tellement de choses à découvrir. Accompagné de mes thugs, la classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la Marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Ils se prennent pour Barzell, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous, on brille sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des...

Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock.

retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Déjà une grosse session de mix, hein, une grosse demi-heure de son mixé par Case. Eh oui, comme à l'instant. La mi-temps, c'est maintenant. Et la mi-temps, c'est maintenant. C'est aussi le bon moment d'annoncer quelques dates. Je suppose que tu es en tournée un peu partout dans toute la France, Case. Exactement, comme tous les week-ends. Et alors, ce vendredi 24, je serai à Clermont-Ferrand à l'usine. Et le samedi 25, je serai à Montferrat au VIP Club. Voilà. Ça, c'est les dates qui vont arriver ce week-end. D'accord. Et puis, pour suivre Case, c'est simple. Hein, y a les réseaux sociaux. Bien sûr. La page fan sur Facebook, DJ Case, et Instagram et Twitter, DJ Case Paris. On va revenir dans un instant avec la suite et déjà la fin du Rail Suprême, comme chaque dimanche soir. Bougez pas. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit, 1h, avec Fred pour une heure de mix de folie. Ça se tape des barres, ça fume des cigares comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir, quelques fois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en JP. Hey, oh, hey, PDG, oh, PDG, oh, hey, PDG, oh, hey, PDG, oh, oh, hey, ce soir, c'est moi qui paye like, ou pas? Au parking de la boîte, toute heure de plaque, 919394, tout Beris et Al, Corton sous H, sauvage sous flash et au platinia HQ. Hey, mais y'a même les gens du 7-7, Wattie Bronx, Wachamet, quand tu veux on remet ça. Des ghost tap, un tissage vol, pendant qu'on gagne Jerry, ça se met bien sous alcool. Moi je danse le Mia dès que ça sonne un peu funky. Si elle me demande si j'ai le mi-père, je lui réponds cash. Fuck you! Et c'est souvent sur un bête de son que souvent dans la teboie y'a une grosse flaque de sang. J'ai vu une date pas partir au ralenti. Ça s'insulte, ça se bouscule, ça zappe la galanterie. Et mon gars sur son tape, lui est dans ses bails. Attends, non, je crois que Dry est dingue. T'es un bête de style, que des balles me filent. T'es mal à bête de fil ou les boules défilent. Ici les samedis soirs, joie face ou pire. Embrouille histoire, si t'as pas trop de fake, ça pire. Putain, je suis rabat, je sais plus où je me trouve. C'est la loge, les chiottes, la cour ou la douche. Des cheveux longs, des cheveux courts, j'accoste où je cours. Elle est grosse, oh my god, pas moyen de faire la cour. S'approche, ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir, quelques fois samedi soir, pour quelques billets sans, ça part en JP. On est samedi soir, c'est coup de tête égoïste. Que ce soit le sexe ou la tête, c'est la steak, c'est moche. Tous ces gars prennent de là, je m'y reste des mioches. Putain, tu vois pourquoi je préfère le sinoche. Souvent les samedis soir, c'est coup de tête égoïste. Que ce soit le check sous la tête, c'est la steak, c'est moche. Tous ces gars prennent de là, je m'y reste des mioches. Putain, tu vois pourquoi je préfère un sinoche. Hello sister, je te demande pas ton numéro. On t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique. Tu comprends le lingala, beauté.

know she ain't talking bullshit when she go. Just try and do it, think she about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Hustle people, they gon' beat you, cause you and try and leave me out, you up. What will elevate you, is it? So keep back, meditate the feel. I think you gotta do it. Fou le bordel, DJ Kaze.

Et c'est déjà la fin de cette émission, Case. Ouais, oui. Comme le temps passe vite. Très très vite. D'oreille suprême. Mmh. Case toujours avec son petit café. Il nous manque juste un petit peu de chicha là. Je sais pas ce qui se passe ces dernières semaines. On est... La semaine prochaine, il y aura la chicha. C'est vrai. Ouais. Ah, la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous à partir de minuit. On rappelle donc les dates pour ce week-end. Oui, alors vendredi. Pour ce week-end, ouais. Pour la semaine qui vient surtout. Exactement. Alors vendredi 24, je serai à l'usine, c'est à Clermont-Ferrand. Et le samedi 25, c'est à Montferrat, pas loin de Lyon, au VIP Club. Voilà, voilà. Venez nombreux et on se donne rendez-vous à dimanche prochain. Ciao, ciao, Case. Ciao. C'est reparti le son sur Skyrock, ciao.